Sin avec Another Kiss, Les Corps Célestes, Serge Gainsbourg, Vieric, une chanson qui s'appelle Bulgarian Symphony Orchestra, L'Envol, Les Corps Célestes, et Les Vedettes avec Gang Gang. L'Envol. Je m'envole, je m'envole, comme on veut me diriger. On n'emprisonne pas un goéla. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Et maintenant, c'est le moment du nouveau numéro des Rances canadiennes que jamais nous avons fait depuis 4 ans et demi. C'est une grande première mondiale. Nous tenterons de diriger cette improvisation avec beaucoup de finesse. Et nous chercherons le grandiose. Ben, vas-y, commence. Silence! Le sifflet. Silence! On retourne et retrouve maintenant, pour quelques minutes, un accessoire mal homologué par l'histoire. Un article faussement décrit au fil des années. Aujourd'hui, remettons les pendules à l'heure avec cet item qui est la guillotine. La guillotine, tu vois, t'es un cinglé, la guillotine. Guillot, orange et vert, guillot, vite comme l'éclat. Guillotine, guillotine. Tine. Titine, ben c'est moi, Titine. Est-ce que tu connais la guillotine, ma Titine? Ben oui, c'est un tranchon. Oui, bien on tranche quoi? Ben on peut trancher des concombres. Là, tu veux dire que tous les gens qui sont faits guillotiner, c'est des concombres? Non, du con là, non. On peut guillotiner les carottes. Eh ben, est-ce que les carottes sont fuites? Les carottes se sont enfuies par là, monsieur, par là, vers la noirceur de 1930, vers la Gestapo. Les carottes sont cuites. Et là, on entendait comme ça les politiciens, nous allons guillotiner. Nous allons amener plus de taxes, nous allons guillotiner les salaires de nos citoyens. Nous, on n'est pas le genre « Allô, vous enfants de la patrie ». Pas du tout. Nous autres, on est « si c'est pour le bien de la patrie, si c'est pour le bien du Québec ben ». Ouais, on coupait dans l'air, on guillotinait, on en coupait des sous. On avait de moins en moins. On travaillait des 40 heures, il nous venait 25. On avait 25 cents, on était heureux. Avec 25 cents, qu'est-ce qu'on faisait avec 25 cents? C'est comme une certaine émission au Québec qui s'appelait l'épicerie en folie. Hein? Ça se promenait dans les allées, ça ramassait des affaires, ça réfléchissait pas, incapable de compréhension. Là, on était dans l'expression la plus totale de la débilité humaine. Et pour ce qui est de la débilité humaine, croyez-moi, il y en a qui sont champions. On nomme pas de nom, là. On peut pas nommer des noms. C'est assez pararénal. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Pararénal. C'est surrénaliste. C'est dans un état assez lamentable. Alors, la guillotine a été inventée à Québec, plus précisément à Limoilou, au coin de la 4e avenue et de la 3e rue. Ben voyons donc! À l'endroit aujourd'hui, c'est que. Bon, on la connaît, c'était anciennement une banque. Après ça, une station de radio. Mais avant la banque, avant la station de radio CKRL, qu'est-ce que c'était? Ben là, je sais pas, c'était. C'était une entreprise où on fabriquait, où on inventait, où on mettait de l'avant la guillotine. C'est pas vrai! C'est ici qu'on a exporté tout ça. En France, en Suisse, en Suède, en Belgique et en Allemagne. On n'a pas entendu parler de ça. C'est des Québécois qui ont placé, qui ont structuré la lame qui coupe pas juste les têtes, l'argent, les chèques, travailleur qui sue. Et jusqu'au jour où on ne sera pas un simple pays qu'on va donner à deux, on va s'en faire couper sous le pied, puis on va être heureux, on va dire « Ah, oh, mais on contribue, ben, hey, réveillez-vous! » Ça, là, je tiens à dire que ça ne tient en rigueur dans ses idéaux que l'erreur rénaldien, là. Le diffuseur ne diffuse que les mots, que les rangs de l'errant. Et qu'est-ce qu'il fait, l'errant? Ben, l'errant, il dit! Il dit que la guillotine à Limoilou, ça a été... on a fait de l'argent avec ça, des millions de dollars. On a envoyé ça, puis après ça, on a miniaturisé tout ça, puis on peut couper des petites carottes, des petites salades. Mais la salade, c'est difficile, mais en tout cas, le céleri. Puis pour nous faire pleurer, ben les oignons. Oh, quelle belle invention! Alors, on peut oublier tout ce qu'on nous fait croire sur la guillotine, parce que un jour, c'est arrivé. Ça a commencé, la naissance de tout ça a eu lieu ici, à Québec. Ça veut dire se défouler. As-tu déjà lu Simon Fred? Sigmund Freud, Desmond, c'est moi qui t'ai acheté le livre. Sigmund Freud a dit, l'homme est foulé, faut que l'homme se défoule. Prends-moi par exemple. J'ai toujours rêvé de tricoter un beau chandail. Je l'ai jamais fait parce que je suis un homme. Je suis gêné. Je suis foulé. Je tricote. Je me défoule. Je me sens mieux. Je me sens bien. Tu penses que les gens vont payer pour ça, tricoter, boucher du bois? Je crois pas. Tout le monde va être guéri. Si ça va mieux maintenant, Desmond, tu pourrais peut-être t'occuper de Rosemary. Non, j'ai essayé aujourd'hui. Rien. Aucune réaction. Devant ton miroir. Desmond, veux-tu regarder la réalité en face? T'es amoureux. Je te défends de prononcer ce mot-là, Sweetie. T'es amoureux de Rosemary, t'as peur d'elle. Elle te fait trembler avec sa virginité, sa pureté et son innocence. Est-ce que tu pourrais encore me faire l'amour à moi? Hmm? Oui, je pense. Tu vois? Alors, qu'est-ce que je fais? Je le sais pas. Arrange-toi pour y faire peur, n'importe quoi. Fais n'importe quoi. Je ne suis qu'une sainte poupée. Un peu trop sage, la tête haute, la poitrine bombée. Mais j'ai pas la... car il nous reste plus grand temps. Là, c'est vraiment la fin de l'errance rénadienne. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Alors, prenons Daniel Boone. Ben oui, on nous fait croire que Daniel Boone est né le 2 novembre 1974 près du Reading en Pennsylvanie le 26 septembre 1820. Ça n'a pas d'allure. Non. Il est né le 2 novembre 1934, OK, près de Reading, en Pennsylvanie. Et le 26 septembre 1820, près de Saint-Louis, dans le Missouri, il est devenu un explorateur américain qui guida de nombreux colons en quête de terres nouvelles jusqu'aux frontières du Connecticut et les défendit contre les attaques des Indiens. Il n'en est rien. Daniel Boone est né dans le Vieux-Québec en 1899. Il a rencontré une dame qui s'appelait Josette Lavoie. Et cette jeune demoiselle est tombée éperdument amoureuse de son chapeau, mais surtout de la queue de son chapeau. J'en ai jamais vu aussi grosse. Oui. Elle est poilue. Et donc, Daniel Boone, lui, a continué son chemin avec son nom, l'Amérique. Non, est resté comme estomaqué devant la dame qui était, elle, focussée sur son chapeau et surtout sur la queue de son castor. Ils se sont mariés. Elle était très déçue. Elle a préféré encore son chapeau. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui reste de Daniel Boone. C'est pas l'homme, mais c'est le chapeau. Oh mon Dieu, c'est drôle, hein? C'est très drôle. Mais c'est aussi la fin de l'errance rénaldienne. Ça a été rapide, mais bon. Alors, nous allons entendre les Plasticines avec Connie Eastland, les Corps Célestes, Roy Orbison, Only the Only, les Corps Célestes et MC Solar qui nous chante Sous les Palmiers. C'était Errance Rénaldienne. Je suis à Paris. Je reviens la semaine prochaine. Le samedi de la semaine, le 7, le 10, je serai là pour vous divertir, j'espère, à moitié mort. Je ne sais pas dans quelles conditions intellectuelles, psychologiques et physiques je serai, mais j'y serai. Je me donne ce lien-là et ce but-là entre vous et moi. C'est d'y être. T'es un malade. Non, un cinglé. Un cinglé. Oui, c'était Rénal Gagné. Gagné. Et je demanderai à la personne qui a fait ma mise en onde d'ouvrir le micro et de se nommer. Nomme-toi, s'il te plaît. Ne te gêne pas. Renomme-toi encore, s'il te plaît. Ouvre le micro. Merci d'avoir fait mon émission. Bye-bye, c'était Rénal Gagné, Errance Rénaldienne. À la semaine prochaine. Bye! Yeah. Pourquoi tu fermes pas la radio? Dubitare dell'avvenire della vostra città. Parce que vous ne pouvez pas me commenter? Ah oui. I am happy to meet you. Sur la hache. I am happy to meet you. Je vous aime beaucoup, monsieur. I love you very much, sir. I love you very much, sir. Pas very much, very much. Very, very much. Very much. Bon, attends-moi, j'arrive, hein. Puis-je faire quelque chose pour vous? Is there something I can do for you? Is there something I can do for you? Pas something. Something. Something. Thing. Voulez-vous un peu d'amour? I would like to fuck you. I would like to... Attends une minute. Tu peux pas apprendre l'anglais et l'italien en même temps, voyons. I would like to... Katie, peux-tu fermer ta radio, s'il te plaît? Mais j'écoute Mussolini, il me fait peur. Mais comment tu veux que j'enseigne de l'anglais pendant que Mussolini fait un discours? Mais Mussolini est devenu comme Hitler. Il n'aime pas les Juifs. Il me fait peur, Hélène. T'as aucune raison d'avoir peur, Katie. Brigitte, ferme la radio. Mais si la guerre éclate? La guerre éclatera pas. De toute façon, la peur est en toi et la peur aujourd'hui, ça se guérit. Je t'expliquerai. Dum, dum, dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. And there goes my baby, there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely only the lonely know the heartaches I've been through. Only the lonely know I cry and cry for you. Maybe tomorrow a new la leçon est terminée. Rosemary? Oui? Yes? Please come with me. Thank you. Non, non, come with me. Viens avec moi. Ah. Est-ce que t'as peur de moi, Rosemary? Non. Pas du tout? Pas du tout. Si je te frappais maintenant, est-ce que t'aurais peur? Je pleurerais, mais j'aurais pas peur. Faut que je te fasse un aveu, Rosemary. Hein? J'ai déjà tué un homme. Je crois pas. Ouais, deux balles. Je crois pas. Je te dis, quand je suis en colère, je suis capable de tout. Je peux pas me retenir. Je suis pas capable, j'essaye, je peux pas. Je t'ai dit ça pour que t'évites de me provoquer. Ton bien. Viens avec moi. Non. Non? Demandez-le-moi gentiment. J'ai pas peur de vous, j'ai peur des hommes doux, romantiques. Des hommes qui savent parler aux femmes. T'as vraiment peur d'eux? Oh, ça me donne des frissons. Je me sens toute petite. Je rougis. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiam, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum. Et dimitte nobis debita nostra. Monsieur l'abbé, voulez-vous déposer l'âne et le bœuf? Ça vous revient, n'est-ce pas, puisque vous venez de la campagne? Certainement, monsieur le curé. Comme ça, vous vous dévouez à de pauvres orphelines. C'est très bien. Terminé, merci. Très bien. Et quel âge ont ces orphelines? Un âge difficile, monsieur le curé. Il y a de méchantes langues. Oh, il y en a partout, vous savez, qui disent que vos orphelines sont un peu frivoles. Naturellement, je ne les crois pas. Je veille moi-même sur leur comportement, monsieur le curé. Ah, moi, je vais. C'est quoi le rêve au bloc? Réunion de potes, détail d'histoire qui choque. En tout cas, chacun papote sur le banc. On se voit sur scène avec le mic, faisant tomber les go dans les pommes comme dans un strike. Sur la pelouse, on organise le barbecue. Ghetto Blaster, puissance 10 comme pour Ice Cube. On rêve de scène immense, tout comme au sets. Mais comme on n'a pas les grosses Bentley, on s'entraîne au skate. J'ai kiffé la belle life, fumé des gros Prince par les Black Knights. Je fume un cigare comme Puff Dad. Appelle-moi Black Barracuda. Des belles meufs autour, je me sauve pas. Non, je me sauve pas. Bienvenue à Saint-Bart, doucement sur la vodka. Nous, on ne dort pas. 24 sur 24, on respecte nos quotas. C'est Black Jack et Sola. Yeah, yeah, yeah, yeah. I used to sing your rapping on TV every day. Sous les palmiers. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now when I hear you rapping, it's like a holiday. Mon prof m'a dit, Claude, sois positif. Garde la photo, mais jette le négatif. Je donne le maximum sur le microphone, jamais à phone. Kick sur mégaphone, téléphone, interphone. Dans la tour, je rêve de yacht sur les yachts de ma tour. Comme un troubadour qui pense qu'à passer son tour. Classé, placé, toujours près du glacier. Range ton acier, on est sous les palmiers. Yeah, yeah, yeah, yeah. I used to see you rapping on TV every day. Sous les palmiers. Yeah, yeah. Concept, vivre ensemble c'est vivre mieux. Le plus important c'est d'être heureux. Avant tout que ciel réalise tes vœux. A cœur joie j'en profite et remercie les cieux. Hip hop non stop please visualise. Les clashs dans la danse et la violence se canalise. Pas de 9-1-9, de 9-3-9-4. Si tu montres tes faces, si t'en as pas bas les pattes. Et quand les rastas criaient Lord of Mercy, moi j'allais au hall juste pour pécho des maxi. Oui, je suis devenu Claude MC. Et si le beat est lourd, je l'adoucis à la poésie. Yeah. Sous les paliers. Sous les paliers. Palmier.